1 Jean chapitre 3. Voyez quelle charité le Père a eue pour nous, que nous soyons appelés les enfants de Dieu, mais le monde ne nous connaît point, parce qu'il ne l'a point connu. Mais bien-aimés, nous sommes maintenant les enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté, or nous savons que lorsque le Fils de Dieu sera apparu, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui, se purifie, comme lui aussi est pur. Quiconque fait un péché, agit contre la loi, car le péché est ce qui est contre la loi. Or vous savez qu'il est apparu afin qu'il ôte nos péchés, et il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui, ne pèche point, quiconque pèche, ne l'a point vu, ni ne l'a point connu. Mes petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui fait ce qui est juste, est une personne juste, comme Jésus-Christ est juste. Celui qui vit dans le péché est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Or le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu, ne vit point dans le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Et c'est à cela que sont connus les enfants de Dieu, et les enfants du diable. Quiconque ne fait pas ce qui est juste, et qui n'aime pas son frère, n'est point de Dieu. Car c'est ici ce que vous avez ouï annoncer dès le commencement, savoir, que nous nous aimions l'un l'autre, et que nous ne soyons point comme Caïn, qui était du malin esprit, et qui tua son frère. Mais pour quel sujet le tua-t-il? C'est parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Mes frères, ne vous étonnez point si le monde vous hait. En ce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes transférés de la mort à la vie. Celui qui n'aime point son frère, demeure en la mort. Quiconque hait son frère, est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier, n'a la vie éternelle demeurant en lui. À ceci nous avons connu la charité, c'est qu'il a exposé sa vie pour nous. Nous devons donc aussi exposer nos vies pour nos frères. Or celui qui aura des biens de ce monde, et qui voyant son frère dans la nécessité, lui fermera ses entrailles, comment est-ce que la charité de Dieu demeure en lui? Mes petits enfants, n'aimons pas de paroles, ni de langue, mais par des effets, et en vérité. Car c'est par là que nous connaissons que nous sommes de la vérité, et nous assurons ainsi nos cœurs devant lui. Que si notre cœur nous condamne, certes Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Mais bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne point, nous avons assurance envers Dieu. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons les choses qui lui sont agréables. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions l'un l'autre, comme il nous en a donné le commandement. Et celui qui garde ses commandements demeure en Jésus-Christ, et Jésus-Christ demeure en lui, et par ceci nous connaissons qu'il demeure en nous, savoir, par l'Esprit qu'il nous a donné.